à belle allure, à belle allée, autrefois sans être inquiété. Il tirait de la laine et du lait de ses bêtes. Il était berger, mais qu'un l'aîné, qu'un le meurtrier, le tua d'une chiquenaude vers le pays d'Onode, pour une offrande que Dieu dédaigne et finit à l'est d'Éden. Qu'un marchait sur la tombe de son frère, au sud au nord, vais-je, se dit-il. Puis il alla vers la Norvège pour massacrer d'autres frères. Qu'un l'aîné, qu'un le meurtrier, a perpétré à plus grande échelle le meurtre de son frère Abel.